Salut Frédéric. Alors après une émission comme celle-là, ben moi j'ai très envie de me remettre à jouer aux jeux vidéo. Le problème c'est que ben je suis agriculteur, je retape une maison, j'ai un enfant de moins de 2 ans. Donc à moins de décider d'arrêter de dormir ou de manger, je vois pas quand est-ce que je peux m'y remettre. Donc s'il te plaît, d'éviter de me causer des frustrations, parle de jeux pourris, ce sera mieux. Merci. Alors oui, Blockbuster, il faut savoir que vous avez fait une superbe émission sur Persona hier. Et je milite pour que Frédéric devienne doubleur officiel de la version française de Persona. Toss a coin to Blockbuster. Bonjour Blockbuster, alors je veux bien écouter du Daft Punk en jouant à Persona, mais comment je trouve le temps pour refaire la filmo de Jackie Chan et terminer Malcolm? Honnêtement, les vacances vont pas être assez longues. Bonjour, en tant que présidente de l'association de la boucle temporaire, je voudrais vous remercier d'avoir invité à nouveau Sébastien Frelin. C'est un plaisir de l'entendre à l'antenne, un plaisir de l'entendre à l'antenne, un plaisir de l'entendre à l'antenne. À bientôt, à bientôt, à bientôt. 今日、ビデオゲームを紹介する番組を発見してびっくりよ。サンサンテア、素晴らしいな。 Frédéric, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, je t'avais aidé et j'avais invoqué le droit de surprise. Et je vais venir récupérer mon dû. Ha ha ha! Surprise! Toss a coin to Blockbuster par Frédéric Sigrist, par Frédéric Sigrist. Oh. To be or not to be, not to be. On peut reprocher ce que l'on veut à Emmanuel Macron. Il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, il sait dire pardon. Je regardais son interview du 14 juillet et il a passé beaucoup de temps à dire pardon. En filigrane, il disait à peu près ceci. Pardon, pardon d'avoir cru que vous étiez assez intelligent pour comprendre tout le bien que vous faisiez. Et ça, voyez-vous, ça m'a touché. Je dirais même plus que cette humilité présidentielle, ça m'a renvoyé à moi-même. Je me suis dit, mais Frédéric, tu critiques beaucoup le gouvernement, mais au fond, toi, tu le fais quand ton mea culpa? Comme l'ont dit Jackie et Benji avant moi, quand est-ce que je fais le bilan? Parce qu'on est quand même à 2 semaines d'émission, et même si je suis plutôt satisfait des retours, il y a des remarques et des critiques auxquelles je me dois de répondre. Il y a notamment 2 remarques qui ont ébranlé mon socle de certitude. Une sur l'émission des Daft Punk, où j'ai fait l'erreur impardonnable de dire que les Daft Punk étaient versaillais, et une autre qui me reprochait d'avoir manqué de respect à Gérald Darmanin et ses déboires judiciaires. Eh bien voyez-vous, n'étant pas fait du bois dont on fait les têtus, je me suis remis en question. J'ai fait un examen de conscience et j'en suis arrivé à la conclusion que le fait d'animer une émission aussi légère soit-elle ne me donne pas le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous dire, chers auditeurs, comme l'a fait notre président, enfin je vais le faire en moins bien évidemment, j'aimerais vous dire, pardon, je suis allé trop loin. Les Daft Punk ne sont pas versaillais. France Inter, Blockbuster. Juste ici ça va. Frédéric Sigrist. Face à l'inévitable, Cyrilla, un bon dirigeant doit toujours choisir la clémence. À l'avenir, tu seras bien inspiré de suivre ce précepte. Laszlo, apporte sa cape. Continue à être courageuse, promets-le-moi. Tu es le lionceau de Syndra. Tu es voué à accomplir de grandes choses. Je n'y arriverai pas, sans toi, je suis perdue. On doit partir, Altesse. Avant d'être une série, avant même d'être un jeu vidéo, Le Sorceleur, The Witcher, est un livre traduit dans plus de 34 langues et qui dépasse les 15 millions d'exemplaires vendus. Passionné par la mythologie nordique et scandinave, ainsi que par le folklore des contes populaires, l'auteur polonais, alors attention, c'est facile et difficile à dire, Andrzej Sapkowski, a réussi par le prisme de son héros mutant à aborder des sujets tels que la discrimination, la politique et le destin des petites gens dans un monde qui appartient aux puissants. Pour parler de cette œuvre culte, j'ai avec moi celui à qui l'on doit beaucoup dans la découverte du Sorceleur, Stéphane Marsan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur des éditions Bragelonne et l'éditeur français d'Andrzej Sapkowski depuis 2003. Je l'ai bien dit ? C'est pas mal. On va y arriver avant la fin de l'émission. Depuis que celui, évidemment, que je n'ai pas encore réussi à déloger de son siège depuis hier, sur l'émission sur Persona, Olivier Bénis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction numérique de France Inter et on vous retrouvera à la rentrée avec votre chronique La photo jeu vidéo tous les mardis matins dans le 5-7. Voilà, et sachez qu'on dort pas si mal ici, hein, finalement, les sièges sont plutôt confortables. Oui, c'est assez confortable. Un retour aussi autour de la table, Lloyd Cherry, bonjour. Bonjour Frédéric. Auréolé d'un succès incroyable pour un MOOC en financement participatif consacré à Dune qui a dépassé tous les objectifs. Oui, tout à fait. On a prévendu 5300 MOOC qui feront 256 pages autour de Dune, donc de Frank Herbert, avec pas mal d'invités à l'intérieur, dont Olivier Bénis. Il est partout. Alors je rappelle, Lloyd Cherry, que vous êtes journaliste pour Le Point Pop, spécialiste en science-fiction, et vous animez le podcast C'est plus que de la SF. Excellent podcast. Ah, merci beaucoup. Et enfin, nous aurons Timothée Montaigne tout à l'heure au téléphone, qui est l'illustrateur de The Witcher aux éditions Bragelonne. Ensemble, on va revenir sur l'histoire du sorceleur, comment ce personnage a réussi en très peu de temps à se faire une place au panthéon des héros de fantasy. On verra aussi à quel point son adaptation aux jeux vidéo a, elle aussi, contribué à lui donner une visibilité encore plus grande. Et on évoquera, bien évidemment, le succès de la série Netflix où le sorceleur est incarné par le musculeux et magnifique Henry Cavill. Bref, quel que soit le média, il est devenu difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas tomber sur The Witcher, donc autant apprendre grâce à Blockbuster d'où il vient. Tu l'as. Je te paierai ce que tu voudras. Je tue des monstres. Supprimer Renfrey, le moindre mal sorceleur. Le mal est le mal, Stregobor. Qu'il soit moindre, greater, suprême, middling, moyen, it's all the same. Ils se valent tous. I'm not judging you. Je ne te juge pas. Moi non plus, je n'ai pas fait que du bien dans ma vie. Mais aujourd'hui, si je suis contraint de choisir entre un mal et un autre, j'aime autant ne pas trancher du tout. C'était un extrait de la série The Witcher sur Netflix où vous avez pu entendre un échange entre Geralt de Rive et Stregobor, doublé en français par Adrien Antoine et Franck Capilleri. L'œil de Cherry. Avant d'avancer dans le sujet, le sorceleur, c'est quoi ? Alors, le sorceleur, c'est une franchise, que ce soit une franchise littéraire, vidéoludique et qui est même en série. Ça raconte l'histoire de Geralt de Rive, qui est sorceleur, ça veut dire un chasseur de monstres, et qui vit plein d'aventures à la recherche de monstres, mais aussi The Witcher, c'est maintenant devenu une série un peu géopolitique, où on suit Geralt, des sorcières comme Yennefer, et aussi Ciri, alors qui est une sorceleuse et en même temps une sorcière, on sait pas trop, et on suit leur pérégrination. Et du coup, ce qui est maintenant intéressant avec The Witcher, c'est que c'est une franchise qui vient d'Europe de l'Est, qui est assez rare pour le souligner, et qui a un véritable succès. On se l'arrache, vous avez rappelé le nombre de livres vendus, mais la série Netflix a été vue par 76 millions de personnes. C'est énorme. Et Stéphane Marsan, donc pour quelqu'un qui ne connaîtrait absolument pas l'œuvre du sorceleur, comment vous lui résumeriez l'histoire rapidement, pour lui donner envie de le lire ? Alors, Geralt, parce qu'on dit Geralt, chers amis. C'est moi qui avais raison. Geralt est donc un sorceleur, c'est-à-dire quelqu'un qui a subi un entraînement très particulier, auquel peu de gens survivent, à base de potions, de rituels, de manipulations dans tout genre, pour faire de lui donc un sorceleur, c'est-à-dire un tueur de monstres qui est doté de nombreux pouvoirs. D'abord, c'est quelqu'un qui sait très bien se battre, hein, c'est un super guerrier. Et puis, il a plus d'un tour dans son sac, il a des objets magiques, il a des potions qu'il peut utiliser, etc. Il connaît des signes kabbalistiques. Et c'est un tueur de monstres dans un monde qui est un monde médiéval, enfin, qui ressemble beaucoup à l'Europe médiévale, que l'auteur Sapkowski connaît comme sa poche. Et ce qui va devenir intéressant, c'est qu'on va découvrir, à partir de ce démarrage qui est hyper simple à comprendre, à s'approprier, on va découvrir tout un univers qui devient de plus en plus riche, de plus en plus ambivalent. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des sorcières, il y a des sorciers. Les sorceleurs, c'est pas tout à fait la même chose. choses. Il y a des monstres en tout genre avec plein de noms bizarres et rigolos, Kiki Mort, etc. Et puis il y a des royaumes et des empires qui se mettent sur la gueule. Et en fait, au début des aventures du sorceleur, on voit des aventures un peu à la petite semaine. Il a des petites missions. Il arrive dans un endroit. On lui dit, Geralt, puisque t'es là, ça serait bien de faire ce taf-là. T'auras un peu de sous. Ou tu les toucheras jamais d'ailleurs, en général. Tu finiras à moitié mort. Et bref, t'auras fait ton boulot. Et quand la saga se développe, on se rend compte que, en effet, tout se met en branle. Les royaumes, les enjeux. Il y a aussi des elfes et des nains. Il y a une histoire. C'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire. Absolument. En fait. Et c'est lié aussi à la façon dont l'œuvre s'est développée, c'est-à-dire que ça a commencé par une nouvelle, ensuite il y a eu plusieurs autres nouvelles, ensuite il y a un recueil de nouvelles, deux recueils de nouvelles, donc qui sont Le Dernier Vœu et L'Épée de la Providence, et le troisième roman, là, Sapkowski commence une saga en 5 volumes qui là donne une ampleur extraordinaire à ce qu'il avait imaginé dès le début. Et justement, Sapkowski, Andrzej, de son prénom, d'où vient-il ? Il était traducteur de romans de science-fiction à la base. En fait, Sapkowski, ça fait partie de cette histoire incroyable de Witcher, c'est que c'est lui-même un sacré bonhomme, un sacré personnage. Je le connais depuis à peu près une vingtaine d'années. Je l'ai rencontré quand j'ai acheté les droits du livre. C'est quelqu'un qui est économiste de formation, qui a travaillé dans le commerce international. Alors là, on est dans la Pologne des années 80. Alors je pense que les plus jeunes qui nous écoutent auront du mal à se figurer ce que c'était. Je pense que les plus jeunes, ils ont 45 ans. Hein. Dommage pour toi. Dommage pour ton audience. C'est que c'est la Pologne des années 80, donc elle est fermée. Donc c'est très difficile de voyager pour les Polonais. Et surtout, c'est très difficile d'avoir des œuvres étrangères traduites en polonais. La chance qu'a Sapkowski, c'est que comme il bosse dans le commerce international, lui, il peut voyager. Et donc, il en profite quand il va, notamment en Angleterre, pour acheter des ouvrages en anglais, des grands auteurs de fantasy et de science-fiction qu'il adore, des gens comme Gene Wolfe, par exemple. Et il les rapporte et il partage ses lectures avec son fils, Christophe. Et un jour, on est en 1986, son fils lui dit... mais papa, tu voudrais pas essayer d'écrire une histoire comme ça ? Ce que je trouve très significatif, parce que quand on regarde l'histoire de la littérature du merveilleux, ça arrive quand même de temps en temps. Lewis Carroll écrit Alice parce qu'il raconte des histoires à la petite Alice. Tolkien se met à écrire parce que ses enfants lui demandent des contes, etc., etc. Et donc il dit pourquoi pas. Il écrit une nouvelle qu'il envoie au seul canard de SF et de fantasy à l'époque en Pologne qui s'appelle Fantastica. Il ne gagne pas le prix. Mais il arrive troisième, je crois. Voilà, mais il y a une avalanche de courriers de la part de l'électorat qui dit on veut encore une aventure du sorceleur, et c'est comme ça que c'est parti. Donc, je pense qu'un aspect du succès de Witcher, il est lié à cette spontanéité. C'est quelqu'un qui, enfin, il a commencé sa carrière d'écrivain à 38 ans. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais envisagé de faire carrière. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il est toujours extrêmement humble par rapport à son succès. Il vit dans une baraque près de Woods, il pêche à la ligne toute la journée, hein, Sapkowski. Et il a écrit que pour s'amuser, que pour faire plaisir à ses lecteurs. Et c'est comme ça qu'il a imprégné son œuvre de quelque chose de très frais, de très universel, et je pense qu'une bonne partie du succès est liée à ça. Alors dès que j'ai annoncé un blockbuster sur The Witcher, sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est dit « Ah bah ok, ah, ça va pas rater, on va se taper Toss a Coin to Your Witcher, la chanson de Netflix, ça va nous rester dans la tête. » Et là j'ai envie de dire à ces gens-là « Mais non, mais pour qui me prenez-vous ? Vous croyez vraiment que j'irai vers une évidence comme celle-ci ? Sachez que j'ai trouvé une petite pépite andalouse liée au sujet. Mais bon, vu que vous m'énervez tellement, bah tiens, vous savez quoi ? Vous aurez Toss a Coin to Your Witcher. When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. From when the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth, while the devil's horns minced our tender meat. And so cried the Witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your Witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your Witcher, O Valley of Plenty. plenty. At the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to more. Thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence it came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion prevailed, defeated the villain. Now pour him some mail. Toss your coins in the pitcher. The valley of plenty. The valley of plenty. Toss your coins in the pitcher. A friend of humanity. Toss your coins in the pitcher. The valley of plenty. The valley of plenty. C'était Toss a Coin to Your Witcher, la chanson de la célèbre série de Netflix The Witcher du même nom. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter et on parle du sorceleur avec l'éditeur Stéphane Marsan, les journalistes Olivier Bénis et Lloyd Cherry. You must be the mage. C'est sûrement toi la magicienne. Yennefer of Angerberg. Yennefer de Wengerberg. Sheridan n'avait pas précisé que... Your heartbeat. Ton rythme cardiaque est extraordinairement lent. Tu es donc un mutant. Un sorceleur. Geralt de Rive. Le célèbre loup blanc. Je croyais que tu aurais des crocs ou des cornes, que sais-je. Je les ai limés avec soin. C'est la première fois que je vois un sorceleur d'aussi près. C'était un extrait de la série The Witcher sur Netflix, la rencontre de Yennefer et de Geralt de Rive, doublée par Léopoldine Serre et Adrien Antoine, et interprétée par Henri Cavill et Anya Chalotra. Alors nous sommes en ligne avec le dessinateur Timothée Montaigne. Timothée, vous avez notamment publié... bonjour d'ailleurs, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, c'est vrai, là je rentrais dans le vif du sujet, mais quand même. Donc vous êtes dessinateur et vous avez notamment publié votre première bande dessinée, Le Cinquième Évangile, aux éditions d'Argo, c'est ça? Non, c'était chez Soleil. C'était ma première, il y a longtemps maintenant. Et ensuite, vous êtes parti chez Dargaud ? Pardon ? Vous êtes parti chez ? Et ensuite, vous êtes parti chez quel éditeur ? Ah, Glénat. Glénat, oui, d'accord. Sur le Troisième Testament, ouais, okay. J'ai pris du galon. Et vous avez également, donc, comme vous l'avez dit, travaillé sur le Troisième Testament, Julius, et le Prince de la Nuit. Et vous venez d'illustrer l'ouvrage consacré à The Witcher aux éditions Bragelonne. Voilà. Alors tout d'abord, The Witcher est un jeu vidéo mondialement connu, avec une identité visuelle très très forte. Et comment réussir quand on est dessinateur, comme c'est votre cas, à vous approprier le matériel de base et quand le matériel est déjà si marqué? Ouais, en fait le truc c'est que, c'est un petit peu la même démarche que CD Projekt. CD Projekt a vraiment fait un super boulot sur The Witcher à l'époque. Ils sont vraiment partis enfin c'est un vrai travail d'inspiration historique quoi. Donc voilà, donc il y a vraiment cette base là chez CD Projekt. Donc on sent vraiment l'influence un petit peu pays de l'Est aussi. De toute façon c'est des Polonais hein, les mecs. Donc on a voulu faire un petit peu le même travail. Après donc on a vraiment une source historique très marquée sur notre travail avec Hugo donc qui fait le le deuxième tome là. Et bon, après nous on a le bouquin en regard quoi, donc forcément on doit être vraiment plus attaché à certains détails vu qu'on a les illustrations en lien avec le texte directement, alors que c'est les projects forcément a pris un petit peu plus de liberté vu qu'ils doivent prendre en compte un petit peu le gameplay. Donc par exemple Gérald dans le jeu se balade avec deux épées dans le dos alors que nous on en met qu'une pour coller au bouquin, enfin voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai passé quoi. D'accord. Ouais. Et comment vous avez pu travailler sur la base de descriptions qui sont quand même assez succinctes dans le livre ? En fait, il y a vraiment quelque chose qui... C'est un petit peu comme dans la BD, c'est-à-dire que dans l'écriture, il y a vraiment un fond quoi qui transpire. On sent ce que doit évoquer les personnages, ce qu'on ressent au travers de l'univers. C'est vraiment, on doit essayer de comprendre ça quoi. Et puis après, bon, les descriptions sont assez light, bon, surtout au début. Hein, après, ça s'étoffe un petit peu, mais en gros, ça laisse pas mal de liberté. Ce qu'il faut, c'est essayer de pas trahir le fond quoi, d'essayer de toujours communiquer un petit peu cette sensation vraiment médiévale, crédible, historique, qui ressort un petit peu du Witcher. Enfin, moi, c'est un petit peu comme ça que je ressentais. Et on a, enfin, une fois que tu piges le fond, je pense que voilà, il faut essayer de le traduire. Donc, au travers des personnages, au travers des décors, voilà, des différentes inspirations, quoi. Ouais. Et vous aimiez déjà le personnage avant d'avoir à le dessiner? Ah bah ouais, c'est une longue histoire. Hein. On va dire que j'ai découvert le personnage, c'était à l'époque quand ils ont sorti le tout premier Witcher. Et ce personnage m'a plu en fait. Je trouve que c'est, on a tendance dans les trucs de fantasy à avoir des persos un petit peu lisses, vous savez, avec souvent des second rôles un petit peu plus plaisants, un petit peu plus dark comme ça. Et puis moi ce personnage-là quand j'ai découvert, il me faisait un petit peu penser à un espèce de Clint Eastwood moyenâgeux, vous voyez, cette espèce de perso-là. Et donc c'est moi c'est le genre de personnage qui me parle quoi, un petit peu taciturne comme ça, avec un gros passif comme ça qui transpire, et voilà, donc c'est vraiment ce genre de perso qui me plaisait quoi. Donc okay. Ouais, je l'ai aimé assez rapidement, ouais. Ok, merci Timothée Montaigne. Alors juste un dernier mot pour vous dire que c'est vraiment un très très bel ouvrage qui mérite de se retrouver dans les bibliothèques de tous les amateurs de fantasy. Merci, c'est gentil. Au revoir. Merci, au revoir. Olivier Bénis, alors on parle du sorceleur, mais le sorceleur c'est avant tout Geralt de Rive, ce personnage, et comment le décrire aux gens ? Qu'est-ce qui a fait qu'il a autant de succès ? Je pense que c'est un peu ce que disait Timothée, ce qui a fait le succès du personnage par rapport à plein d'autres personnages et plein d'autres univers de fantasy, c'est que c'est pas un héros. C'est le personnage principal de l'histoire, mais c'est pas un héros, c'est même quelqu'un que 90% de la population dans le monde de The Witcher déteste, ou méprise au mieux, ou considère comme voilà une sorte de dératiseur, un peu de luxe qu'on appelle quand un monstre vient par là, c'est quand on a au lieu de se battre contre des cafards ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui fait le sale boulot. Hein. Qui fait vraiment le sale boulot et qui en plus est totalement méprisé pour ça, c'est-à-dire que il est plus bas qu'un éboueur, quelque chose comme ça. Et en plus, comme il a ce statut, on en parlait, de mutant, c'est-à-dire qu'il a subi un entraînement vraiment qui est pas juste un entraînement, qui a vraiment modifié profondément son être. C'est des tortures. C'est des tortures. C'est le fait que son corps ne réagit pas de la même manière à plein de produits chimiques qu'il peut ingérer justement pour pouvoir avoir des pouvoirs supplémentaires, et donc il fait peur à la plupart des gens, et la partie des, enfin les gens qui à qui il ne fait pas peur le détestent, parce que il est cette espèce d'élément incontrôlable, d'autant plus que dans un univers où la géopolitique est très importante aussi, on a toute une histoire de, il y a une guerre en fait qui s'étale pendant toute l'histoire des romans, des jeux vidéo et de la série, qui voit s'affronter des royaumes qui n'ont rien en commun, mais Geralt de Rive ne prend jamais vraiment parti. En fait, il est celui qui est là, qui va influencer l'histoire presque malgré lui, ou en tout cas en essayant de poursuivre ses propres desseins personnels, notamment toute l'histoire autour de Ciri, qui est plus ou moins sa fille adoptive selon les versions, selon qu'on lise le livre ou qu'on joue aux jeux vidéo, il y a plein de versions différentes de Ciri, mais voilà. Et en gros, il va essayer de la sauver, elle, non pas pour sauver le monde ou pour faire gagner tel ou tel camp dans la guerre, il va la sauver parce qu'il a de l'affection pour elle, tout simplement, et que elle ne le rejette pas, elle le considère comme un père. Et je pense que ce qui fait vraiment le succès de cette série par rapport à d'autres, c'est ça. C'est ce personnage qui est tout sauf lisse, qui est extrêmement complexe et qui peut permettre de projeter plein de choses. Voilà, y compris, il peut être même assez détestable. Par moments, on peut mépriser nous-mêmes The Witcher, le sorceleur, mais il est hyper intéressant pour ça. Lloyd Cherry, alors je sais qu'habituellement, vous, votre cœur de cible, votre spécialité, c'est la science-fiction, mais comment s'est passée cette rencontre avec ce livre qui, je le rappelle, était un best-seller avant même de devenir un jeu vidéo à succès ou une série. Bah moi j'ai commencé en tant que comme un bon gamer, j'ai commencé avec les jeux vidéo et puis après je me suis mis au livre et ça je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ça et ce qui explique aussi le succès de The Witcher en jeu vidéo, c'est moi je suis parti de ceux qui ont commencé avant tout par le jeu vidéo puis après qui sont arrivés au livre et ensuite à la série. Ce qui est intéressant aussi pour peut-être puisqu'on parle pas mal de jeux vidéo sur Blockbuster, il y a un côté très entre guillemets mal alpha dans The Witcher du personnage, il représente aussi le type de héros badass que les joueurs masculins aiment bien avoir dans les jeux vidéo. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on compare à la série est beaucoup plus allée vers les personnages féminins et ça a été notamment très critiqué puisque là, on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais la série de Netflix a été assez critiquée par les fans du livre et par les fans du jeu vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Alors on va faire une petite pause musicale, là tout de suite on va écouter Pomme qui nous interprète La Lumière. C'était Pomme qui interprétait La Lumière et moi je remarque que quand c'est Mathias Alléon et Tristan Gratalon à la technique, eh ben je trouve que les chanteurs, je sais pas pourquoi, ils chantent mieux. Vous êtes bien sur France Inter, Blockbuster avec Frédéric Sigrist. Stéphane Marsan, vous avez commencé, vous avez eu les droits du Sorceleur en 2003. Donc vous avez été en première ligne pour voir l'évolution du marché quand le jeu vidéo est arrivé en 2007, puis ensuite quand la série est apparue. Et est-ce qu'il y a eu un changement dans les ventes? Ah oui, considérablement. Mais ça avait quand même bien démarré. C'est-à-dire que, en fait, il y a une sorte de préhistoire à l'histoire, à la vie commerciale de cette série. C'est-à-dire que moi, je la découvre en allant au Salon du Livre de Varsovie en 2002. Et pour l'anecdote, j'arrive là-bas, je demande à un libraire, alors qu'est-ce qui marche en fantasy? Et il me répond, Terry Pratchett et Sapkowski. Et je dis, c'est qui Sapkowski? Et je passe devant une maison de la presse et je vois la couverture d'un magazine féminin, genre Biba, People, avec en couverture la photo de l'acteur qui allait jouer, qui allait interpréter Geralt dans la première adaptation de l'époque en Pologne, au cinéma et en série télé. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Bon. Donc, je me renseigne, j'obtiens deux nouvelles traduites en anglais, parce que mon polonais est assez réduit, hein, à part une petite bière, je sais pas dire grand-chose. La base. Voilà, c'est la base. Bon, ça permet de survivre, quand même. Et je tombe amoureux vous l'avez très bien dit, du personnage, de l'ambiance, du ton, qui est très particulier, de ce mélange d'humour noir, d'ironie, de gravité, d'émotion, et je dis, c'est la balle, on y va. Tout en se disant, quand même, là on est en 2003, dans un genre, la fantasy, qui est tellement dominée par les noms anglo-saxons, Andrzej Sapkowski, ça va peut-être pas très évident à vendre. Et en fait, ça marche très correctement tout de suite, et surtout, le succès s'installe. C'est-à-dire, c'est une série qui aura des ventes très très stables et très satisfaisantes. Arrive le premier jeu vidéo Witcher, où là, ça prend un coup, ça commence à monter, le deuxième, le troisième, et là, en effet, il y a une envolée. À ce moment-là, on décide de sortir le format poche, pour un public, un, de gamers qui aura envie d'acheter les livres, comme Lloyd l'a raconté, et pour un public plus jeune, parce qu'en fait, Le Sorceleur, ça a quasiment toujours été notre meilleure vente au Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil, alors que c'est pas vraiment pour la jeunesse, mais voilà, l'adhésion au personnage et l'envie de retrouver, de s'immerger dans cet univers. Et ensuite, la série Netflix. Le trailer est diffusé en juillet l'année dernière. Et alors là, les précommandes explosent. Et ce qui fait que, en gros, on avait vendu à peu près sur l'ensemble de la série 700 000 exemplaires avant la série télé. Et là, on est à 1,2 million. Okay. Merci Netflix. Merci Netflix. Alors, merci Netflix, mais merci le succès que ça avait déjà avant. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de préhistoire, je voulais dire qu'en fait, quand je découvre le bouquin à Varsovie en 2003, il a déjà vendu 1,5 million d'exemplaires en Pologne et en Russie. Oui. Donc, ça a conquis le monde comme ça d'une façon inexorable, quoi. Alors, il y a eu une série Netflix, effectivement, et vous savez qu'à France Inter, on a une émission qui parle des séries, une heure en série, et Witcher, eh ben, ils aiment pas. The Witcher, le sorceleur en français. Là, il faut quand même un petit peu se mordre les lèvres pour ne pas rire. Pour moi, ça a été un cauchemar de regarder Merci cette beaucoup, série. Alors. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Pierre Langlais de Télérama parle d'une série formatée, maladroite et visuellement assez laide. Je ne donne pas complètement tort. Elle a un côté nanardesque qui n'est malheureusement ni voulu ni recherché. Je me suis sentie complètement perdue dans cet univers d'heroic fantasy qui surfe de façon très opportuniste sur le succès de Game of Thrones, mais qui n'en a pas les atouts majestueux. Si Game of Thrones était de la dynastie en fantasy, alors ça, ce serait L'Homme qui tombe à pic en fantasy. C'est une série sans âme, sans style, avec des enjeux mal dégrossis, des personnages mal détaillés. Ensuite, les effets spéciaux sont un petit peu ratés, et il y a des personnages, effectivement, que j'aimerais voir soit mieux exploité ou moins rapidement. Et même ma passion, pour Henri Cavill en a pris un coup. Il est dans ce rôle Gérald de Rive, complètement bidon. C'est pas une série pour les filles, c'est du viril, ouais. C'est un héros, il a du muscle, il a une grosse épée, de la sueur, il sait bien la manier. C'est un mastodonte qui combat des tas d'animaux en plastique, mais gluant tout de même. Les effets spéciaux sont horribles. Allez, ces dernières références, c'est Hercule et Xena qui a rencontré Game of Thrones. Mais oh là plus, là, de loin, hein. C'est du divertissement très pompeux. J'ai pas les codes, je me rends pas compte. Donc là, vous me confirmez que c'est pas une question de code, c'est vraiment une question de qualité. Merci. Alors, dans cette séquence troll, on a pu entendre Benoît Lagan, qui était un ami. C'est pas gentil de balancer les noms. Minutes. Voilà, je l'ai invité ici, j'avais même quasiment envie de faire de lui le parrain de mes enfants. C'est fini. c'est fini. Sinon, plus sérieusement, Lloyd Cherry, alors que penser de cette adaptation en série par Netflix? Alors, juste avant, c'est intéressant qu'on écoute cette séquence et qu'on a l'impression d'entendre des gens qui, de la littérature blanche ou généraliste vis-à-vis de la littérature de genre. Et je ferai pas de mauvais procès à Xavier Le Harper et à son équipe, mais c'est vrai que ce qu'on a entendu, c'est un peu le cliché de ce qu'on reproche en fait à la littérature de genre et d'imaginaire. Donc c'est assez intéressant de l'entendre. Pour la série Netflix, bah, ce qui est... Ils ont voulu faire un côté, je pense, beaucoup plus grand public et beaucoup plus mainstream. Ce qui est intéressant dans The Witcher et ce qu'ont pas révélé nos amis avant, c'est que c'est une des séries les plus inclusives. Donc on voit de nombreux acteurs et actrices de couleur, ce qui participe vraiment au charme de la série et à son côté un peu rafraîchissant. Et ça, c'est intéressant parce que la fantasy, en fait, on peut avoir la peau bleu, blanc, rouge. C'est de la fantasy, c'est pas un problème. Mais dès qu'il y a un noir ou quelque part, là, ça devient voilà. Un problématique et pour certains. Il y a beaucoup de haters, en fait, qui ont critiqué ça et qui ont une vision, je pense, assez limité du terme adaptation, alors que tout le côté inclusif des acteurs d'origine sud-africain ou australo-mauricien fait vraiment le charme de la série. Et l'autre aspect, et là je pense que vraiment The Witcher est un peu le descendant de Xena la guerrière, il y a eu un épisode de Sud-Blockbuster, mais Charmed, Buffy, c'est qu'il y a un côté, on montre vraiment les femmes. Et les femmes sont, moi je pense, le personnage de Yennefer est limite plus intéressant que Geralt de Rive. Donc ça c'est aussi intéressant parce que je pense que c'est une grande série de femmes et qui est assez innovante en fantasy, parce qu'on n'est pas souvent habitué à voir ça. Game of Thrones avait été très, très critiqué, en fait, pour certaines séquences où il montrait les femmes. Et du coup, je pense que The Witcher est vraiment en avance sur ça. Après, tout n'est pas parfait. Et on en reviendra peut-être dessus, mais peut-être Stéphane veut réagir sur ça. Je suis absolument d'accord, et je te remercie de l'avoir dit, sur ces deux aspects, et particulièrement la place des femmes. C'est-à-dire que, je l'ai rappelé, ça commence quand même en 86, hein, les écrits de Sapkowski. Je trouve qu'il est extrêmement progressiste et extrêmement novateur, et que le succès, il vient aussi de là. Je suis d'accord, je pense que Yennefer est pour moi le plus beau personnage et vraiment une femme absolument fascinante. Mais surtout, les femmes dans cette série sont déterminées, elles échappent à leur destin, elles forgent leur propre vie, elles veulent le pouvoir, elles savent comment l'obtenir. Et c'est très, je pense que c'est l'un des axes sur aussi. Plusieurs générations. Hein, absolument, c'est l'un des axes du succès de cette série et de son côté très grand public, la façon dont vraiment on peut se projeter et s'identifier dans des rôles de femmes qui sont pas des pauvres petites princesses. Enfin, Ciri au début elle est en difficulté, mais on va bien voir que assez rapidement va pas rester une pauvre fille qui court dans la forêt. Yennefer et toutes les autres magiciennes, Fringalla, etc. Et l'ordre des magiciennes est extrêmement important. Calante est une femme de pouvoir, c'est une reine. Donc et les hommes, à contrario, paraissent souvent dans les romans comme oui c'est ça, ils sont tous un peu pourris ou corrompus ou stupides ou machin, et d'ailleurs Geralt passe un peu son temps à se foutre de leur gueule aussi, et donc cette et je trouve que ce qui est très bien avec Sapkowski, c'est qu'il le fait très intelligemment, c'est-à-dire qu'il vient pas avec des gros sabots en disant j'ai un propos, je vais vous montrer comment on peut donner une autre image de la société. Non, il raconte ses petites histoires, il est aussi très influencé, j'en profite pour le placer, par les contes de fées et le folklore populaire. Et c'est-à-dire les relectures de Blanche-Neige. Voilà, de Blanche-Neige pour Le Moindre Mal. En grain de vérité, c'est La Belle et la Bête. Enfin, il y a des scènes qui semblent sortir du film de Cocteau, les torches qui s'allument toutes seules, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que sa série est tellement accueillante. Et je suis désolé que Télérama ne s'y intéresse pas, mais je pense que la plupart des gens, en fait, ne s'intéressent pas à ce que pense Télérama. donc, voilà, The Witcher, c'est la série la plus regardée dans le monde pendant le confinement. C'est le plaisir, mais un plaisir basé sur l'intelligence. C'est-à-dire que Sapkowski, c'est quelqu'un qui ne fait rien par hasard. Il est redoutablement intelligent. Il baragouine 12 langues. On publie à la fin de l'année sa nouvelle saga qui s'appelle la trilogie Hussite. Il y a des passages écrits en latin. Il sait construire des personnages. Il y a plein de références à Alice, à la littérature du merveilleux, à Shakespeare, etc. Et donc son intelligence, elle passe aussi par une capacité de parler au lecteur et au-delà dans les déclinaisons vidéoludiques et séries télé et s'attacher les conquérir aussi sur des sujets qui sont importants, sous couvert, en effet, d'un simple divertissement rigolo avec des effets spéciaux. Oh, yeah, that face. Oh, ce regard, c'est parfait. Oh. Scary face. Menaçant à souhait. No lord in his right mind. Aucun seigneur, un tant soit peu raisonnable, n'approchera si tu te tiens à mes côtés avec ce minois. Oh, on second thoughts. Oh, tout bien réfléchi. Mieux vaut éviter la cervoise de Sintra. Il faut garder les idées claires. I will not suffer tonight sober. Je ne m'infligerai pas la sobriété sous prétexte que tu as mis ta saucisse dans le mauvais garde-manger. I'm not killing anyone. Et je ne tuerai personne. Whatever the Pas pour de basse, petite querelle. Oui, oui, tu préfères rester neutre, sauf que tu prends position à longueur de temps. Voilà donc ce qui t'arrive avec l'âge. Tu deviens incroyablement acariâtre et grincheux. À ce propos, je suis curieux, un sorceleur, ça part à la retraite? Oui, quand il est trop lent et qu'il se fait tuer. Voyons, tu aspires forcément à quelque chose une fois toutes ces inepties de chasse aux monstres terminées. Je ne veux rien. Eh bien, qui sait, sorceleur? Quelqu'un voudra peut-être d'un vieux grincheux. Je n'ai besoin de personne. Et je refuse que quelqu'un ait besoin de moi. Et cependant, regarde-nous. Vous venez d'entendre Geralt de Rive parler avec Jaskier, le fidèle ménestrel, doublé en français par Martin Fallu. Et Geralt de Rive, c'est Adrien Antoine. Alors, on le disait pendant la pause musicale, il y a différentes versions de The Witcher. Il y a la version jeu vidéo, il y a la version série télé, il y a le livre de base qui est le matériel de base. Et en fait, l'auteur a autorisé tous ces adaptateurs à aller un petit peu là où ils avaient envie d'aller. Et donc en fait, il y a une forme d'univers qui cohabite. C'est assez rare de voir une œuvre comme ça qui devient plurielle avec la bénédiction de l'auteur. C'est en effet très rare. Sapkowski, au moment où il a reçu la proposition de l'adaptation en jeu vidéo, a considéré que la richesse du jeu profiterait de l'imagination des gens qui allaient le concevoir. Et il a dit très clairement, moi le jeu vidéo j'y connais rien, ça m'intéresse pas, allez-y, faites votre boulot, je même pas m'en occuper. Enfin, il a et pas d'ailleurs il a cédé les droits pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain, en disant que en gros il pensait pas que ça allait rapporter beaucoup d'argent. Bon, après il a voulu se rattraper. Oui, enfin il a eu l'humilité de dire qu'il avait été un imbécile et que voilà, au bout de 50 millions d'exemplaires vendus des jeux vidéo, il s'est gratté la tête en disant bon quand même. Mais donc surtout en se disant c'est votre métier, c'est pas le mien. Et je trouve qu'il a une intuition, enfin vous le direz mieux que moi, extraordinaire par rapport à ce qu'on attend d'un jeu vidéo, et d'une façon générale par rapport également à la série Netflix, et allez savoir, il y aura sûrement d'autres choses plus tard. C'est-à-dire que, parce que je pense que c'est une œuvre qui devient une franchise, comme l'a dit Lloyd, et je pense que c'est que le début de ce qui va se passer avec Witcher. Et donc en fait, que chaque média, chaque forme d'art vient s'emparer de la proposition initiale et de l'univers et en fait quelque chose qui lui correspond. Et en effet, Sapkowski est à la fois très regardant, c'est normal, c'est son œuvre, sur ce qu'on fait avec Witcher. Il veut pas qu'on en fasse n'importe quoi. Il tient surtout à ce qu'on rappelle toujours que c'est une œuvre littéraire et pas une novelisation de jeux vidéo. Mais c'est important de le rappeler. Très important. Oui, et je vous remercie cette occasion et l'occasion de cette émission est l'occasion de le montrer d'une façon spectaculaire. Mais qu'en même temps, il faut que les gens s'en emparent et qu'ils se fassent plaisir avec. D'où, en effet, le fait que, comme vous l'avez dit, si on joue aux jeux vidéo, si on regarde la série, si on lit les romans, on ne lit pas exactement la même histoire, pas au même moment, et les personnages évoluent. Ce qui fait que quand on est un fan de Witcher, en fait, on peut prendre du plaisir une fois, deux fois, trois fois, d'une façon un peu différente, quoi. Olivier Bénis, il faut parler de ce studio aussi qui est apparu en Pologne. On n'a pas le choix. Quand on parle de The Witcher, on est quasi obligé de parler de jeux vidéo, puisque toute l'histoire de The Witcher, en fait, je trouve que c'est une jolie histoire de service rendu, dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que les Polonais, donc de CD Projekt, l'éditeur du jeu, qui était une toute petite boîte, qui jusqu'ici se contentait de publier des jeux en fait d'autres pays et d'autres développeurs dans leur petit pays, la Pologne, en fait ont décidé de lancer leur premier jeu. Ils se sont dit tiens, on va se lancer nous-mêmes, on va créer notre propre jeu. Et puis en 2007, ils sortent The Witcher, donc. Et à l'époque, ils pensent que c'est très bien pour eux d'avoir obtenu ces droits-là. Ils ont une chance incroyable, ils vont pouvoir développer ça va devenir un succès grâce à ça. Et puis en fait, le jeu est un petit peu bancal, marque pas forcément beaucoup les esprits, mais en tout cas marque une communauté qui commence avec le bouche à oreille à en parler, ce qui fait que le jeu marche pas si mal. Il a un bon succès d'estime, il rapporte pas mal d'argent aussi. Et puis après, du coup, il y a un deuxième épisode. Comme ils ont un petit peu d'argent de côté, ils sont un peu plus ambitieux, ils se disent on va aller plus loin, on va faire des choses plus ouvertes, on va inventer des choses dans la grammaire aussi, dans la manière de jouer. Et puis il regagne encore un petit peu plus d'argent, le jeu a de très très bonnes critiques à nouveau, ce qui fait que les gens s'intéressent encore au premier épisode, ils en revendent encore des exemplaires. Entre-temps, ils créent leur propre plateforme de diffusion de jeux vidéo qui s'appelle petite entreprise. Qui s'appelle Good Old Games, qui au départ ne publie que des vieux jeux oubliés de tous, et puis qui finalement devient une plateforme qui aujourd'hui concurrence quelque chose comme Steam, qui est vraiment la plus grosse plateforme de téléchargement de jeux actuels. Et puis là encore, il gagne un petit peu d'argent, un petit peu plus, et puis il se lance dans un projet plus ambitieux, c'est The Witcher 3 Wild Hunt, qui là du coup est le chef-d'œuvre. C'est que quand il arrive, il est bardé de prix, tout le monde dit que c'est un des meilleurs jeux vidéo qu'on ait vu ces 10 ou 20 dernières années, sans doute le meilleur jeu de rôle jamais écrit, et c'est lié en grande partie, comme on le disait, au fait qu'ils ont eu une grande liberté sur l'écriture, et que du coup dans The Witcher 3 il y a, c'est pas une histoire, c'est pas un gros roman comme pourrait l'être, ou c'est pas une série télé, ou c'est pas un film, c'est une collection de centaines d'histoires, c'est-à-dire que chaque petite histoire, chaque quête annexe dans le jeu est vraiment un petit récit avec une petite morale ou non à la fin, avec des personnages ultra attachants à chaque fois. C'est incroyable en fait la qualité d'écriture de ce jeu, et on sent vraiment, ils se sont lâchés complètement, ils ont imaginé plein de choses, et du coup ils couvrent aussi plein de sujets. C'est tellement de milliers d'histoires que ça parle de plein de choses, et ce qui fait que, alors là cette fois-ci ça a été le carton absolu, ils en ont vendu des dizaines de millions, ils ont sur fini tous les supports. Sur tous les supports, et c'est sorti sur à peu près tout, y compris sur Switch. Alors pour situer pour les gens qui s'y connaissent pas forcément en jeux vidéo, c'était une performance parce que le jeu est vraiment extrêmement beau, donc nécessitait des machines très puissantes. C'est vraiment un jeu qui encore aujourd'hui repousse certaines machines dans leur retranchement, et pour le sortir sur Switch, qui est une console beaucoup moins puissante, il a fallu qu'il se creuse la tête pour adapter des choses et tout. Mais c'était le succès était à ce prix, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment ouvrir l'univers du sorceleur dans les jeux vidéo à ce point-là. Et je pense que le choix pour Netflix de faire une série là-dessus est lié autant au succès du livre qu'à celui du jeu vidéo. Et après, à nouveau, service rendu, c'est que quand la série est sortie, les ventes du jeu vidéo se sont multipliées par 5 alors qu'il avait déjà plusieurs années d'existence, ce qui était assez incroyable. Alors j'ai moi-même des dons de mutants, hein. Par exemple là je peux vous dire qu'on est à 3 minutes d'avoir un jeu avec un auditeur, mais avant cela on va avoir Yael Naïm qui nous interprète She. She wants to run from me, so I will set her free. Shine in my eyes, you're blinding like you were real. Wasting my own time, I'm saying I am fine. Losing my alone. c'était Yael Naïm qui interprétait She. Et maintenant, attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Léo Lebris au téléphone. Bonjour Léo. Bonjour. Alors, question habituelle, vous êtes fan de Witcher? Oui, mais pas de la série. Pas de la série, le jeu ou le livre? J'ai fait comme vos intervenants ont dit, j'ai commencé par le jeu et après j'ai dévoré tous les tomes de Brajlon. D'accord, mais c'est parfait. Voilà. Vous êtes l'homme de la situation. Vous connaissez le principe du jeu? La question était difficile. Hein, donc, Non, n'ayez crainte. Je vous pose une question, vous avez 25 secondes pour répondre. Et si jamais vous n'avez pas la réponse, vous pouvez faire appel à un joker, c'est-à-dire un invité autour de la table qui répondra à votre place. C'est bon? Ou qui se plantera, oui, lamentablement. Bon. Première question. Comment s'appelle le maître de Geralt de Rive? Végénir. Bonne réponse! Je vous l'ai dit, faut pas avoir peur, vous êtes l'âme de la situation. Il n'y a que des gagnants, de toute façon. Question suivante. Combien y a-t-il de tomes du Sorceleur publiés chez Bragelonne? Attendez. La série, il y en a 5 tomes? Il y en a un 8e. Attendez, c'est à choix multiple, je vous les donne. 5 tomes, 7 tomes ou 9 tomes? 7 tomes. Oui, Non, il y en a 8. Non, c'est pas 7. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Il y en a 7 plus 1. Bon, allez, on vous l'accorde. Il y en a bien 8, effectivement. Oui, dernière... il y en a, c'est la suite. Après, là, c'est l'épisode 3 du jeu, mais qui n'est pas vraiment l'histoire. Ouais, n'essayez pas de vous rattraper, voilà. On a bien vu que vous étiez planté. Dernière question. Quel personnage allez-vous entendre dans cet extrait tiré du jeu vidéo Witcher 3? Comment tu fais, toi? Quoi? Pour garder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances. Tu vas m'emmener en montagne pour me faire boire de la ciguë? Les druides de Skelly, je l'utilise depuis des siècles. Ça marche à chaque fois. Hé hey. Alors Léo. Alors, Siri, Gérald. Eh ben voilà. Vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre. Un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Super. Eh ben voilà. Bon, je suis ravi de vous avoir eu avec nous pour cette émission. Merci Léo. Merci à vous. Hein. Est-ce qu'il y a une émission sur Dune qui est prévue? Alors, il y a déjà eu une émission sur Dune, et en fait, il y aura une rediffusion cet été, je peux vous le dire, dans lequel on parlera évidemment du MOOC qui va bientôt sortir, rédigé à plusieurs mains, mais surtout chapeauté par Lloyd Sherry. Le magazine Book sort en librairie le 5 novembre. Voilà. Oui, j'en ai commandé un. Magnifique. Comment ça que un? Je vais vous laisser. Hein. Au revoir Léo. Au revoir. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. L'avenir de Witcher, très rapidement, vous en pensez quoi? Parce que désormais, on sait que Witcher, c'est un jeu vidéo, c'est une série, c'est un livre, et les trois continuent. Donc en fait, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on doit attendre un jeu, un livre? Il y aura une saison 2 de Netflix? Alors, pour le jeu, a priori, CD Projekt avait dit que le troisième épisode était le dernier. Mais bon, on peut se dire que, en fonction de ce qui va se passer pour la série, notamment, est-ce que le succès va continuer? Eux, ils sont sur un énorme projet depuis plusieurs années qui s'appelle Cyberpunk 2077, donc ça leur prend déjà beaucoup de temps. C'est une petite équipe, donc ils peuvent faire qu'un seul jeu en même temps. Donc pour le jeu, a priori, c'est terminé. Pour la série, il y aura sans doute une saison 2, très clairement, puisque la saison 1 était quand même une introduction, Et puis pour les livres, je ne sais pas. Voilà. Stéphane Marsan? Alors, pour les livres, il y a des choses. Il y a le gros cadeau de Noël, c'est qu'on sort en novembre une édition collector ultime qui sera l'intégrale des romans dans deux volumes, dans un fourreau, enfin un truc sublime, avec des illustrations de tous les plus grands illustrateurs français de fantasy. Donc ça, c'est vraiment faites-vous plaisir. Il y aura, Timothée Montaigne y a fait allusion, un nouvel album illustré par Hugo Pinson. Il va y avoir, c'est pas l'univers de Witcher, mais quand on aime Sapkowski, on pourra aussi découvrir une nouvelle saga qui s'appelle la trilogie Hussite, qu'on va commencer à sortir à la fin de l'année, qui a été nommée à l'équivalent polonais du Goncourt, excusez-moi monsieur, et un recueil de nouvelles l'année prochaine. Et enfin, à chaque fois que j'ai posé la question à Ondjé, alors un nouveau roman, un jour, des nouvelles nouvelles, il dit toujours, on sait jamais. Ok, wait and see. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Olivier Bénis, Lloyd Thierry, Stéphane Marsan. Je remercie aussi Timothée Montaigne qui était avec nous au téléphone. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag Blockbuster FI.